Keto Keto Rockstar. Keto Keto Rockstar. Original Booker Bros. Platine Record. Wesh Pierrot, ça dit quoi? Diversion studio. Même quand la tristesse parle, c'est toujours avec le fond la forme. Ok, ça fait. J'ai trop traîné sur le boulevard, là où les rêves se brisent à chaque pas. 24 piges à trouver la rime à stage, y'en a qu'on chalpave. J'balance un premier clip sans savoir si les gens m'attrongent. J'aimerais trouver l'amour avant que la mort tombe amoureux de ma tronche. J'traverse ma vie juste en attendant que la branche casse. Calcule mes chances que ma chute soit amortie par un brancard. On sait que la roue tourne à chaque fois que le camion sonne. Pas d'avenir sans espoir, donc j'en veux pas de la vie de Gary Hobson. Garder la foi, le seul remède quand le constat désole. Où se noie étant des verres de vodka pomme à la Costa del Sol. Rêve pas trop de la chance, sinon la poisse te pousse du toit. L'espoir explose en vol, couvre nos cœurs de millions de poussières d'étoiles. On pêche le futur avec nos regrets comme hameçon. Quand l'amour s'évapore, tu comprendras pourquoi j'ai l'âme sombre. Et je te raconte ma vie au rythme des caisses qui passent. Que dire de plus après une chute à part un qu'est-ce qui se passe? Faut rembourser ton dealer, c'est rien. Poto, reprend les cours si tu veux t'asseoir dans un sérien. Y'a de l'ambition mais la réussite y'en a grandement. Le but est de s'arracher d'ici et pas d'établir un campement. Compter les buffs, seule activité qui nous tienne à cœur. Ça bombarde sur l'avenue juste pour l'adrénaline comme Paul Walker. Faire ses devoirs n'empêche pas le revers d'une fausse médaille. J'ai fait des études dans la vente au détail et la force mentale. J'aimerais voir mon banquier en train de trembler. J'ai pas honte de dire que je roule en 400 de pas en 330D. Je vise pas la gloire, même si à chaque rime ça monte en grade. Je suis pas une star, c'est sur un CDI que je veux faire un autographe. Tes potes au fil des ans, y'en a pas mal qui remballent. Mon cœur HS me rappelle qu'il y a pas que la confiance qui remballe. Je suis dépressif à cause des meufs et leurs promesses dans le vent. Chaque sourire un coup de chasse, avec le temps j'ai des prothèses dans le ventre. Je sais qu'on pourra rien faire sans la thune. Et je suis pas le seul à me dire qu'aucune arme peut buter la solitude. J'attends l'amour comme un bolos qui attend son coup de frappe. Si j'attends que la roue tourne, j'ai le temps de me faire shooter sur le boulevard. Mon subconscient a fait du désespoir un cas de conscience. L'argent que je prends dans la rue, je l'investis souvent dans les cartouches d'encre. Je vais pas pleurer, c'est simplement la vie qui règne nos rêves. J'ai plus grand chose à perdre, à me barrer en cavale comme règne au règne. File un stylo, je crois souvent l'inspire quand je suis triste. Chaque nuit, la lune me voit écrire la symphonie d'une chute libre. La haine prise dans mon cœur comme un collier à place Vendôme. Mon père m'a fait comprendre qu'on peut pas dire je t'aime à un fantôme. Trop de gens désespérés, regarde la drogue, c'est plus la même. T'as pas besoin du rap pour que tu saches qu'ici ça pue la merde. Mes baskets font des ça à force de marcher sur des braises. La sincérité crève, j'ai vu trop de connasses marcher sur mes rêves. J'ai vu trop de connasses marcher sur mes rêves. Même quand la tristesse parle, c'est toujours avec le fond la forme. Original, Bunker Bros, Platine Record. Wesh Pierrot, ça dit quoi? Diversion studio. Génération montante de corbeille. Galactique sur le beat. 2011 et pour l'éternité. Ok. C'est pour les vrais ça. De façon les vrais ça. Original Bunker Bros. Ah c'est bon hein.